c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. I've been here.

bien lever la tête, ouvrir les bras. Tous les matins, c'est le même numéro. Trouver l'amour, chercher les mots. Je suis coincé comme un évadé. Faut marcher, ne jamais s'arrêter. Je suis piégé comme un condamné à marcher. Jamais se retourner, c'est la vie. La vie, c'est du vent qui nous souffle. Et on ne peut pas penser la nuit qui descend. C'est jamais comme avant, il ne faut plus faire semblant. Attends, c'est la vie. La vie qui le coule, qui nous blesse. Le cœur et les yeux, c'est la nuit qui nous tombe. Comme la pluie et les bombes. Même cinéma, tendre les mains, croiser les doigts. Et tous les matins, c'est la même comédie. Chercher quelqu'un, trouver celle qui. Je suis coincé comme un révolté. Faut marcher, ne jamais s'arrêter. Je suis piégé comme un naufragé à marcher. Jamais se retourner, c'est la vie. La vie, c'est du vent qui nous souffle. Les rêves dans le fond, c'est la nuit qui descend. C'est jamais comme avant, il ne faut plus faire semblant. À tout, c'est la vie qui donne, qui nous blesse. Et que les yeux, c'est la nuit qui retombe. Comme la pluie, les bombes, il ne faut plus faire semblant.

Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ça, nous sommes le dimanche et voici le retour de l'accordéon comme tous les dimanches après-midi. Voilà donc, eh bien, l'accordéon est très heureux de vous retrouver. Puis donc, bien, j'espère que vous aussi vous êtes heureux de vous retrouver l'accordéon. Voilà, avec plusieurs styles de musique, avec la valse, le tango, la samba, le country, plusieurs musiques d'accordéon. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec, bien sûr, l'accordéon, avec deux morceaux de valse, et puis juste après, le tango. Voilà donc, eh bien, bon après-midi à vous tous, à vous toutes, si vous prenez l'écoute. Voici donc bien le tango. Voici donc l'accordéon musette. We'll be right back. voici donc la Java. C'est aussi ça. Et oui, donc l'accordéon de très attente jusqu'à 16h. Et voici le boléro. voici donc du Madison et puis suivi du country. Allez, venez danser Madison, il faut que ça balance. Allez, venez danser Madison, en rythme et en cadence. Tout le monde en piste pour le Madison, dans une super ambiance. Tapez du pied, frappez dans les mains, ensemble avec tous les copains. Faut pas se fier aux apparences, c'est plus facile qu'on ne croit. Même si vous manquez d'expérience, faut pas vous en priver pour ça. Écoutez la cymbale Charleston, c'est elle qui guidera vos pas. Je vous le crie dans mon microphone, Madison c'est vraiment sympa. Allez, venez danser Madison, il faut que ça balance. Allez, venez danser Madison, en rythme et en cadence. Tout le monde en piste pour le Madison, dans une super ambiance. Tapez du pied, frappez dans les mains, ensemble avec tous les copains. Venez danser le Madison. Madame, gardez bien vos distances, ne vous agitez pas comme ça, ne commettez pas d'imprudence en tentant quelques entrechats. Et vous, monsieur, tenez-vous tranquille, si votre voisine fait de l'éclat, n'espérez pas qu'elle soit mal habile et qu'elle vous tombe dans les bras. Allez, venez danser Madison, il faut que ça balance. Allez, venez danser Madison, en rythme et en cadence. Tout le monde en piste pour le Madison, dans une super ambiance. Tapez du pied, frappez dans les mains, ensemble avec tous les copains. Riez, chantez, sans être économe, venez danser le Madison. Est-ce qu'il est une ville tous les amis pour danser à la foule avec un chapeau? sa chemise rouge, un petit pas, elle est l'air de tous les gars. Oh, Susanna, ouvre-moi nos débats, et je te promets de te donner toutes les bonnes que j'ai. On était après et sans répit, recommande toute la nuit, c'est nous les enfants du Génécie, c'est le pas de vie. Après le country, voici donc la salsa. Un morceau labouré, puis juste après un autre morceau tout simplement de Java.

Voilà donc, eh bien, je te mène du côté de l'Espagne et puis juste après, passe double.

c'est chic. Le grand musée, c'est la dame, la dame, la dame. Ma guinguette, crois-moi, c'est le meilleur endroit. Pour les accros du musette, c'est le top bleu des plus ultra. Viens danser dans ma guinguette, si tu danses comme ci ou comme ça. Lance-toi, ne prends pas la tête, t'apprendras vite avec moi. La musique des amis, pas pour montrer sa toilette ou sa carte de crédit. Ici on vient pour l'ambiance, pour oublier ses soucis. Et beaucoup ont même la chance d'y trouver l'amour aussi. Viens danser dans ma guinguette, crois-moi c'est le meilleur endroit. Personne qui regrette d'être allé un soir là-bas. Viens danser dans ma guinguette, si tu m'aimes, tu n'as pas le choix. Et franchement, pour être honnête, je connais rien de plus sympa. Chacun amène sa chacune, mais ceux qui viennent en solo, c'est pas le genre qui importune, y'a que des hommes comme il faut. Ici on vient pour la danse, pour plein de choses, pour tout ce qu'on veut. Mais ce qui a plus d'importance, c'est que tout le monde y est heureux. Viens danser dans ma guinguette, crois-moi c'est le meilleur endroit. Pour les accros du musette, c'est le top, le mec plus ultra. Viens danser dans ma guinguette, si tu danses comme ci ou comme ça. Lance-toi, te prends pas la tête, t'apprendras vite avec moi. Viens danser dans ma guinguette, si tu danses comme ça. c'est donc du tcha-tcha. Je vous laisse avec la valse. Chez toi, j'aime les rues, les maisons, mais sur une pierre, j'ai lu ton nom. J'ai déposé quelques bruyères sur le marbre gris de ta demeure. Je regardais les monnaies d'hier, une larme au coin du cœur. Ami troubadour corésien, ami poète du Limousin, je voulais juste te dire merci, car j'ai gardé l'amour du pays. Chez toi j'aime l'odeur de la terre, quand l'orage abreuve le plateau. Chez toi j'aime l'odeur des fougères, quand l'automne embrase les coteaux. Chez toi j'aime tous ces bons fromages, quand ils épousent le Saint-Porcin. Chez toi j'aime enfin ce personnage, ami paysan et baladin. J'ai déposé quelques bruyères sur le marbre gris de ta demeure. J'ai rapporté un peu de terre, un refrain et quelques fleurs. Je dois repartir à bientôt ou à plus tard un jour tout là-haut. Si on se rencontre au paradis, dis-moi simplement bonjour petit. On retourne avec une autre valse, valse viennoise. Thank you. vous. Voici donc le country. Encore avec un autre morceau country, puis juste après ce sera la bourrée. chasseur s'en va avec son chien, son fusil, son bagarre. Il croit toujours accomplir un exploit, mais souvent la bredouille il ramènera. Est-ce la colombe, la bécasse ou le café? C'est aujourd'hui que la chance a tourné. C'est un beau lièvre qui l'a mis dans le canet. C'est son chien qui lui a rapporté. Le voisin en son absence a tiré. Taillot, taillot, taillot, mon chien, ramène-moi une perdrix à la fin. Taillot, taillot, taillot, mon chien, parcours le bois et surtout cherche bien. Tu brilles pour moi comme le soleil, sous le ciel bleu de l'Espagne, les grands étoiles de Magitane pleureront d'amour et d'ivresse, l'ivresse d'un instant de tendresse. Voici donc l'Arjava et puis juste après Bimbo. J'ai lavé à l'eau de Javel tous les sols et tous les lacs. Grossier d'eau de Marie Tournelle, du sous-sol jusqu'au sous-toit. J'aimais pour qu'elle soit plus belle, des paroles par-ci par-là. Pour qu'elle brille, qu'elle étincelle, si d'être seule de ma Java. De ma Java. J'ai nettoyé des armures, la clé de sol et la clé de fa. Gommé les fautes, les ratures, les bémols, etc. J'ai fait des enluminures, redoré le signe de renvoi. Entre deux parts de mesure, ajouté des la la la. J'ai changé toute la musique, relooké ma partition. J'ai joué sur la tonique, les tons forts et les liaisons. Sur la gamme chromatique, j'ai syncopé ma chanson. Fait vibrer des harmoniques sur les cordes de la passion. Sur les cordes de la passion. Si la vie vous ankylose, faites les fous avec moi. Si vous vous sentez morose, brisez-vous à la Java. Vous verrez la vie en rose, en dansant un petit pas. Je vous rejoins à la pause, rendez-vous à la coda. voici donc du côté du Portugal, voici donc trois morceaux du Portugal avec Luis, tout simplement, c'est du Fado, là tellement, et c'est Luis Godin, avec une auditrice, et avec une auditrice qui m'a gentiment demandé, tout simplement, le tarconiste. Voilà, donc le voici, tout simplement, avec trois morceaux différents. prende col vino verde, il convigno da Madeira. Già prende col vino verde, il convigno da Madeira. Non perco corpo di tinto, un porto viva la sera. Non perco corpo di tinto, un porto viva la sera. E si serventa festa, io me la fogueira. E si serventa festa, io me la fogueira. E si serventa festa, io me la fogueira. E si serventa festa, io me la fogueira. Sardinha assada para esse pobre ladrão. Mandai a sardinha assada para esse pobre ladrão. Que a mulher já está lançada e o vinho já está na mão. Que a mulher já está lançada e o vinho já está na mão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. Ei! Eu sou mais um de vantagem, mas eu sei que não. week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Voilà donc d'autres styles d'accordéon, voici la marche. Et puis juste après la marche, ça sera du côté du passo. Un autre tout simplement accordéon marche, et puis j'espère que de l'autre côté tout va bien, que vous passez un bon moment avec l'accordéon. We'll be right back. pastaga de l'Espagne, bien caché dans le coffre des vacanciers. Quand sur une petite route de montagne, au bord d'un parking apparaît un douanier. Il te dit, monsieur, qu'avez-vous à déclarer? Y a 10 cartons derrière toi et c'est mauvais. Dis-lui que c'est de la phytothérapie appliquée, c'est pas remboursé, monsieur, par pitié. Y a tous les copains, le père, le frangin, qui attendent aussi leurs médicaments. Douanier, c'est très bien, mais soyez humains, laissez passer le petit jaune bienfaisant. Douanier, c'est très bien, mais soyez humains, laissez passer le petit jaune bienfaisant. Thérapie appliquée, c'est pas remboursé, monsieur, par pitié. Je peux pas faire le plein avant l'an prochain, je vais pas redescendre exprès, j'habite trop loin. Et à ce tarif là, y'en a pas chez moi, on n'en trouve plus, même pas chez le pharmacien. Passer le petit jaune bienfaisant, c'est le passo du pastaga de l'Espagne, bien caché dans le coffre des vacanciers. Quand sur une petite route de montagne, au bord d'un parking apparaît un douanier. Il te dit, monsieur, qu'avez-vous à déclarer? Y a 10 cartons derrière toi et c'est mauvais. Dis-lui, c'est de la phytothérapie appliquée, c'est pas remboursé, monsieur, par pitié. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. à l'instant, on a pu entendre un medley avec toutes pratiquement les chansons de Mike Brandt. Voici un accordéon du côté de la montagne. Et puis juste après, tout simplement, la samba. Thank you. notre ciel est un de très la musette. Voilà donc bien bientôt 16h, il est déjà 15h50, et bien l'émission touche bientôt à sa fin. Mais rassurez-vous, on se retrouve donc bien dimanche prochain, toujours à partir de 13h30 jusqu'à 16h, avec bien sûr de l'accordéon. Donc on se retrouve pas donc bien cette semaine, non pas mardi tout simplement, mais on se retrouvera l'autre mardi prochain tout cela. Mais rassurez-vous, on se retrouve donc bien dimanche prochain. Voilà donc bien, je vous laisse avec d'autres morceaux d'accordéon pour finir l'émission à partir de 16h. Voilà, j'espère que vous avez passé bon après-midi tout simplement avec toutes sortes d'accordéons. Voilà donc bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes.

l'orchestre jouait Johnny ou Status Quo. J'avais chanté où sont les folles. Parfois une seule chanson nous suffisait pour commencer une histoire. Histoire sérieuse ou histoire de toi, cool ou aventureuse. Juste une simple chanson d'amour que tu chantes à qui tu veux. Oh, tu t'en souviendras toujours, que tu sois jeune ou vieux. Les paroles resteront toujours les mêmes à chaque instant de ta vie. Pour dire simplement je t'aime jusqu'à très tard dans la nuit. C'est vrai, la vie, le temps est passé avec ses joies et ses peines. Mais au fond, tu vois, non, rien n'a changé. Après combien d'aventures, il y a toujours une chanson qui tourne sur les radios que tu aimes, avec ses mots encore les mêmes, comme au bon vieux temps du slow. Juste une simple chanson d'amour que tu chantes à qui tu veux. Portanto, são 3 horas em Portugal continental e na Madeira, 2 horas nos Açores. A informação em